Tata mon rap, aussi balèze que la rage. Je me détends le plus possible quand les gens suscitent ma rage. Un animal en cage, gros faut pas se fier à l'image. Les dictons prennent tout son sens, fait que mot vaut mille images. Combattre ma peur, je parle en tant que rappeur. Faut suivre le tempo, je fais un rap révélateur. Tant qu'on discute pas, mais que les gens ne s'entendront pas. Mais y'est jamais trop tard ici pour faire les premiers pas. C'est dans mon bar où l'on vole comme des monarques. C'est bon pour ton esprit, c'est sûr qu'on va laisser nos marques. Pour les gens qui croyaient pas, nous ça se passe pas comme prévu, non. La boucane de brodeur arrive et s'infile dans tes poumons. J'suis parti toute seule ici, à Star, y'a plein de monde. Dis salut au mal et dis que la guerre est dans le monde. La guerre est dans le monde, la guerre est dans le monde. Dis salut au mal et dis que la guerre est dans le monde. Tu pensais pas maintenant tu en vis. On passe à d'autres choses et puis tant pis. Brodeur débarque en ville, qu'est-ce t'en dis? On fait un troll des petits. C'est qu'à nos maisons chez au pied du mur qu'on se c'est un carnage. Marqué par la vie, marqué par la façon qu'on détruit sa propre famille. C'est dans l'adversité qu'on voit le vrai visage de ses amis. Ma vie, ta vie, sa vie, mes vis-à-vis d'un prix, c'est à des yeux. La réalité de nos journées par rapport à l'ampleur du danger. Je suis submergé de la tête au pied et les refoudrait nous voir flancher. J'en ai craché trop de dards, j'ai tranché trop de trash. Et j'ai craché dans ta face de vache. Et tant j'ai mon rap cravage, je crois que de là j'ai fâché. Bande de fuck et de représente la face. Avec la rage de vainque, c'est serment, j'aimerais bien voir un jour un visage en crainte. Dis salut au mal et dis que la guerre est dans le monde. Tu pensais pas maintenant tu en vis. On passe à d'autres choses et puis tant pis. Brodeur débarque en ville, qu'est-ce t'en dis? Malgré tous mes échecs, j'ai gardé la tête haute. Depuis le temps des cassettes que je rêvais de péter le micro. J'ai goûté la recette, puis là je suis devenu accro. Pas de revenu, pas de patron, mais une équipe du tonnerre. Toutes mes potes me répètent, D.A.N. c'est ton art. Quand tu rappes gros t'es vrai, ça se ressent dans ton art. Y'a les bros, y'a les vrais, puis y'a les partenaires. Combien finissent par tenir ou finiront par tenir, ouais. Ok, écoute, D.A.N. c'est mon nick. Je suis prêt à front, quiconque comme un nick. Nous c'est en rime qu'on communique. C'est pas de nous remplacer, gros, on est communique. Pendant que fixe l'économie, moi j'ai dû échouer 100 fois avant d'avoir l'autonomie, ouais. Mais rien à foutre parce qu'aujourd'hui, ben c'est nous qui te l'ont mis. Le maxi et puis l'album pour toi, l'ami. Tu pensais pas maintenant que tu en vis. On passe à d'autres choses et puis tant pis. Brodeur débarque en ville, qu'est-ce t'en dis?